Ben abilo nak ndeysan classé 1. Prof bi interrogé. Qui peut me laisser la leçon, les 4 points cardinaux? Mon que mamousé. Mon que abi, vas-y. Mon que les 4 points cardinaux sont le ndong, le front ndong, le pit ndong et le pat ndong.